Le comité de vigilance de Malartic a présenté son mémoire cet après-midi devant la commission parlementaire sur la loi 79 qui va modifier la loi sur les mines. En dévoilant ce qu'il appelle la face cachée du dossier Osisko à Malartic, le comité demande une série de modifications à la loi sur les mines. Entre autres, que les citoyens soient épaulés par le gouvernement lorsque vient le temps de traiter avec une minière. Aussi, qu'un plan de restauration complet de la fosse soit présenté par une minière dans le cas de mines à ciel ouvert, et ce, dès la présentation du projet, dès le début du projet. Jacques Saussier du comité de vigilance de Malartic est au bout du fil. Monsieur Saussier, bonjour. Bonjour, monsieur Gervais. Vous avez dit vouloir présenter le côté caché du développement du projet Osisko chez vous, à Malartic. Quel est ce côté caché? Concernant le côté caché, je préciserais aussi le côté caché de l'actuelle loi des mines qui date d'une autre époque, qui n'est pas adaptée à une ère de développement durable et avec les autres lois, là, n'est pas harmonisée avec les autres lois qui ont déjà prévalence au Québec, qu'on parle de la loi sur la propriété civile, le droit des citoyens, la loi sur l'environnement. Donc, on sait que l'actuelle loi sur les mines a préférence sur toutes les autres lois. Et nous, ce qui nous préoccupe le plus, c'est les droits des citoyens. On sait qu'à Malartic, il y a eu des citoyens qui ont été obligés de déménager. La compagnie disait qu'il y avait le choix. Il n'y avait pas le choix. Ils vendaient ou on déménageait leur maison ou on détruisait leur maison. Ils étaient obligés. Donc, sans accompagnement juridique, sans soutien de la municipalité, parce que même la municipalité a débordé, a dépassé avec tout ce projet de 1 milliard-là, est vraiment dépassé par les événements. Puis il y a des dommages collatéraux qui sont vécus présentement par des citoyens, puis qui pointent encore. Là, je pense qu'on a seulement la pointe de l'iceberg. Par exemple, quand vous parlez de dommages collatéraux? Par exemple, les dommages collatéraux, on peut vous parler de l'augmentation des loyers que les locataires vont subir d'ici 2 ans. Il y en a 3 ans, d'autres 2 ans. Ça peut passer de 350 à 685 $. Mm-hmm. Mais les locataires ont signé des baux. Les bails ont été signés. Avec la compagnie en disant la compagnie va payer la différence de hausse de loyer pendant les 3 premières années. Ensuite, ça va être le libre marché. Mais les personnes à faible revenu, une personne qui travaille au salaire minimum va vraiment être dehors de son logement. Là. Donc, il n'y a pas eu de mécanisme de protection, de filet de sécurité sociale pour ces gens-là. Quand on parle de libre marché, c'est ça. On laisse les citoyens au libre marché. Est-ce que vous sous-tendez que ces gens-là ont signé des baux un peu sous pression ou sans savoir vraiment ce qu'ils signaient, parce qu'ils les ont signés, c'est beau, là, quand même. Ils ont signé, mais M. Gervais, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui est obligé de déménager. On sait qu'on va soit démolir la maison ou relocaliser. Souvent, on a des gens qui sont pas très scolarisés, mm-hmm. des gens qui sont facilement intimidé par des gens d'affaires qui gèrent des millions. C'est pas évident. Là, quand on parle de gré à gré, c'est pas du gré à gré. Du gré à gré, c'est quand on négocie de façon éclairée, de libre, avec un libre consentement, libre et éclairé. On n'est pas dans cette situation-là du tout. Là. C'est un peu pour ça que dans le mémoire présenté aujourd'hui, vous demandez à Québec d'offrir à toute personne qui a à traiter avec une minière, s'il le désire, si elle le désire, une aide juridique? Exactement. Puis ça, les ministères, il y a des ministères qui sont spécialisés dans la loi des mines. Les ministères pourraient accompagner les citoyens là-dedans. Puis s'il faut avoir accès à des médiateurs, aller chercher des médiateurs, des gens compétents qui sont capables de négocier pour soutenir les gens, même soutenir les municipalités. On voit même que présentement, la loi sur les mines court-circuite la loi sur l'aménagement du territoire des MRC. Mm-hmm. Même l'Union des municipalités va dans le même sens que nos revendications depuis 3 ans. Ouais. On n'a jamais accepté que le BAP, les maisons soient déménagées pendant les audiences du BAP, puis le BAP avait même pas fait ses recommandations. C'était inacceptable comme société. Mais justement, est-ce que vous vous sentez un peu moins seul là, depuis que les villes, comme par exemple Rouyn-Noranda, Sept-Îles, Thetford Mines, Chibougamau, ainsi que l'UMQ, la FQM, ont commencé justement à revendiquer une préséance de la loi sur l'aménagement du territoire? Est-ce que vous vous sentez moins seul à revendiquer ce genre de choses? Je vais vous dire, M. Gervais, ça fait vraiment du bien parce qu'on se sentait vraiment isolé la première année, il y a 3 ans. Mm-hmm. Puis je pense qu'on avait un discours de fond. Puis on est dans un problème de société, d'idéologie. Il y a 2 idéologies qui s'affrontent. L'économique à tout prix, le libre marché à tout prix, ou il y a aussi l'idéologie développement durable, où est-ce qu'on tient compte autant de l'aspect économique que de l'aspect social et environnemental. Puis là, je pense qu'il y a des lois qu'il faut qu'ils soient harmonisées dans ce sens-là. Dans quelle atmosphère est-ce que vous déposiez ce mémoire cet après-midi? Est-ce que vous avez la sensation encore de combattre ou est-ce que vous avez la sensation que le débat est ouvert et qu'il est sain? C'est une très bonne question. Je pense que nous, on est dans une attitude d'ouverture. On a dénoncé des faits. C'est sûr qu'on pouvait pas se taire sur certaines situations, mais ça a été des déclencheurs. Puis je pense qu'il y a des gens qui étaient à l'affût de ce qui se passait à Malartic. Ça peut se reproduire ailleurs. On sait avec les mines à ciel ouvert là, qui semblent être une épidémie en région. Là. Surtout en zone urbaine, nous, on trouve que c'est impensable de creuser un trou en pleine zone urbaine parce que imaginez des maisons qui vont rester sur le bord de la fosse. Qu'est-ce qui vont valoir ces maisons-là dans quelques années? C'est sûr que c'en est un autre dommage collatéral, ça. Là. Oui. D'ailleurs, vous le demandez aussi dans votre mémoire, ça. C'est dans vos recommandations que dès le début de l'étude, dès le début de la présentation, enfin, là, du projet, que soit déjà élaboré un plan pour la restauration de la fosse. Là, est-ce que vous visez particulièrement le renflouement d'une fosse comme celle-là? Bien, le renflouement, faut faire attention aussi. C'est sûr que dans zone urbaine, il faut être capable de réutiliser le territoire. Mais on sait qu'au niveau des spécialistes comme à l'Université du Québec et en Abitibi-Témiscamingue, on dit que c'est pas nécessairement la meilleure chose de renflouer parce que des fois, ça peut causer d'autres pollutions. Mais ça, si on le sait avant, on creuse pas un trou dans une ville. Si on applique le principe de précaution, on le fait pas dans la zone urbaine. De l'or, il y en a pas mal partout sur le territoire. Puis on déplace pas des gens comme ça, puis en sachant qu'on va vivre avec des. Quand on parle de poussière, de silice, puis de tout ça, puis l'impact sur le réseau hydrique, on n'a même pas les réponses à nos inquiétudes encore, même après l'acceptation du projet. Dans le mémoire que l'on a parcouru aujourd'hui, là, pour le lire avant qu'il soit présenté, évidemment, vous avez également parlé de redevances. Et j'en reviens à une idée qui a été proposée la semaine dernière par la corporation Osisko. Cette idée-là de portefeuille minier à la Caisse de dépôt et de placement, les gens de chez Osisko disent ben c'est une forme de redevance parce que c'est l'État qui investit dans l'industrie minière et en récolte jusqu'à un certain point là les fruits. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Non, je pense que les redevances, ça doit être vraiment une hausse des redevances qui doit pas aller, qui doit aller directement à l'État. Puis l'État investit dans les priorités là, actuelles. Parce que présentement, les minières vont dire on investit en santé, en éducation, dans nos communautés. Mais de cette façon-là, on achète le silence. Les gens vont dire ah, ben là, on n'osera pas trop critiquer un projet minier parce qu'on n'aura pas de subvention, on ne sera pas financé par l'industrie. Je pense que c'est un couteau à double tranchant quand on laisse l'industrie investir dans sa communauté. Mais c'est toujours difficile de déterminer un mode de redistribution d'éventuelles redevances parce que si les mines sont en Abitibi-Témiscamingue, il faut comprendre que l'Abitibi-Témiscamingue est tout de même au Québec, là. Oui, oui. Nous, on pense pas que toutes les redevances doivent retourner en région, mais une partie des redevances, qu'on pense à Malartic. À Malartic, c'est même pas le 0,03%. Ils vont faire 95% de profit, 1,5 milliard de profit, puis c'est des miettes qu'on donne à Malartic, là. Avec tous les dommages collatéraux que je parlais tantôt, il faut que ça soit négocié. Puis je pense qu'il n'est pas trop tard pour qu'il y ait un coup de barre là pour rectifier la situation avec le projet de loi qui s'en vient. Qu'on pense au projet de loi 57 en forêt, on a une approche écosystémique. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est le rapport Coulombe, c'est la crise avec l'aurore boréale qui a déclenché tout. On coupait les forêts à blanc, puis on s'est aperçu qu'il n'y avait pas infiniment du bois là. Mais là, on a une approche intelligente, intégrée, où est-ce qu'il y a l'exploitation du territoire se fait de façon harmonieuse entre les différents intervenants et les différentes lois, mais il faudrait que ce soit le même principe qui s'applique au niveau des mines. Jacques Saussier, je rappelle que vous êtes du comité de vigilance de Malartic. Merci beaucoup de cette entrevue aujourd'hui. Merci, M. Javert.